je scans que tes yeux s'ouvrent à la lumière. Je regarde ton visage, laissé par le sommeil. Mes mots, les soleils de miel, je n'avais pas connu le fiel. Il danse pas couvert de miel, le sang s'arrêtait de se perdre. De joie, au fond de l'aurore, tu me parlais encore d'un berceau de lien, d'une berce de prière, jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent à la lumière. Tu regardes mon visage, bercé par le sommeil. Tes mots, le soleil de miel, tu n'avais pas connu le ciel. Des voix parcouraient tes voix, ton sang s'ébattait, son peigne, dans tes vaisseaux de joie.